puisque je m'y mêlerai à ta coupe encore pleine. Puisque j'ai dans tes mains posé mon front pâli, puisque j'ai respiré parfois la douce haleine de ton âme parfum dans l'ombre ensevelie. Puisqu'il me fut donné de t'entendre me dire les mots se répandent le cœur mystérieux, puisque j'ai vu pleurer, puisque j'ai vu sourire ta bouche sur ma bouche et tes yeux sur mes yeux. Puisque j'ai vu briller sur ma tête ravie un rayon de ton astre et la voilà toujours, puisque j'ai vu tomber dans l'ordre de ma vie une feuille de rose arrachée à tes joues. Je puis maintenant dire aux rapides années, passez, passez toujours, je n'ai plus à vieillir. Allez-vous-en avec vos fleurs toutes fanées, j'ai dans la vie de fleurs que nul ne peut cueillir. Votre laideur tant ne fera rien répandre du vase où je m'abreuve et que j'ai bien rempli. Mon âme a plus de feu que vous n'avez de cendre. Mon cœur a plus d'amour que vous n'avez d'oubli.